Today's 14th of February, year 2015, the third day of our retreat. So yesterday I mentioned about the purpose of the meditation. Nous sommes aujourd'hui le 14 février 2015. C'est le troisième jour de notre retraite. Hier, je vous ai expliqué quel était le but de la méditation. Pourquoi pratique-t-on Vipassana? Nous pratiquons la méditation Vipassana pour élever notre vie, pour élever la qualité de notre esprit, pour comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Il est très important de comprendre en quoi consiste réellement la vie. Plus nous comprendrons la vie, plus ce sera facile de vivre dans ce plan humain, dans cette vie humaine. Les gens pensent parfois qu'ils comprennent la vie, qu'ils savent de quoi il s'agit. Mais en réalité, c'est très difficile de comprendre en quoi consiste réellement la vie, car nous sommes tous prisonniers de concepts. C'est très difficile de voir, de comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Hier, je vous ai expliqué en quoi consiste la vie. La vie, c'est l'interaction entre le corps et l'esprit. Cette interaction entre le corps et l'esprit, c'est tout simplement la vie. Si l'esprit ne fonctionne pas bien avec le corps, nous expérimenterons toutes sortes de malaises. Nous devrons aller voir un médecin, nous serons peut-être obligés d'aller à l'hôpital. Toutes sortes de choses négatives vont se manifester. Et si l'esprit est carrément séparé du corps, c'est la mort. Il est donc important de comprendre en quoi consiste cette interaction entre le corps et l'esprit. Si nous comprenons comment le corps et l'esprit fonctionnent en interaction dans la vie, nous expérimenterons le bonheur et le confort. Mais si ce n'est pas le cas, que nous ne comprenons pas bien cette interaction entre le corps et l'esprit, forcément, toutes sortes d'impuretés mentales vont pénétrer en nous, comme le désir, la colère, la jalousie, l'orgueil. Tout ceci va polluer notre esprit. En conséquence, le corps également sera pollué et ce sera la souffrance. Ici, les yogis travaillent pendant toute la journée, depuis le matin tôt jusque tard le soir lorsqu'ils vont se coucher. Ils observent, ils notent, ils voient, ils essayent de comprendre. Dès qu'il y a mouvement, ils le notent, ils le comprennent, c'est leur devoir. Le devoir du yogi, c'est de ne pas oublier, d'être toujours attentif. Dès que son corps bouge, le yogi doit en prendre conscience et noter, dans le but de comprendre le mouvement. Comment va-t-on réussir à comprendre l'esprit? Il est nécessaire de comprendre l'esprit et de comprendre l'interaction entre l'esprit et le corps. Le corps est facile à comprendre, mais l'esprit, c'est autre chose. L'esprit, c'est la même chose que la conscience. Qu'en est-il de l'âme? Qu'en pensez-vous? L'âme est-elle la même chose que l'esprit, la même chose que la conscience? Si nous ne réussissons pas à voir les choses telles qu'elles sont réellement dans la méditation, nous ne pourrons pas comprendre en quoi consiste l'esprit, en quoi consiste cette âme, en quoi consiste la conscience. Il est donc indispensable d'observer le plus possible pour comprendre l'esprit. Nous devons réussir à comprendre l'esprit. Le Bouddha nous donne des explications. Il parle de citta. Citta est un mot pali qui veut dire esprit. Dans ce centre, nous avons eu régulièrement une introduction à l'Abhidhamma par le docteur Uottaranyana. Les personnes qui ont déjà participé à ces retraites savent donc que citta, c'est l'esprit. L'esprit, c'est ce qui expérimente l'objet. C'est la définition qu'en donne le Bouddha. C'est facile de comprendre que si on n'a pas d'esprit, on n'expérimente rien. Tout le monde a donc un esprit et un corps. Dès le moment où l'on a un esprit, on peut expérimenter. Un mort, un cadavre, n'a plus d'esprit. Un cadavre n'expérimente rien. Le corps n'est pas très important. Le corps, à la mort, séparé de l'esprit, est un cadavre qui sera mangé par les animaux. Sans esprit, il est donc impossible d'expérimenter l'objet. Par contre, si nous avons un esprit, cela veut dire que nous sommes en vie. Qu'est-ce qui fait la différence entre les êtres? Un être humain n'a pas la même qualité de vie qu'un animal. Il y a des différences entre ces deux catégories d'êtres. Mais à l'intérieur même des êtres humains, il y a des différences. Tous les êtres humains ne sont pas développés de la même façon. Ici, nous entraînons notre esprit. Nous essayons d'accumuler la compréhension, la connaissance. Cette connaissance, nous pouvons l'acquérir soit par la lecture, soit par l'écoute d'enseignement. Tout ceci va nous permettre de développer la connaissance, de développer notre esprit. Plus la connaissance se développe, plus l'esprit s'élève et la vie, la qualité de vie s'améliore. Il est donc très important de développer la connaissance. Cette connaissance n'a rien à voir avec le corps, c'est une question d'esprit. Ici, nous essayons de développer notre esprit, de développer la connaissance et de comprendre l'interaction entre le corps et l'esprit. Il y a trois niveaux de connaissance. Le premier niveau, c'est la connaissance qui s'acquiert par la lecture ou par l'écoute d'enseignement. La deuxième, c'est la connaissance qui s'acquiert par l'expérimentation. Et la troisième, c'est la connaissance pénétrante, la connaissance profonde. Celle-ci ne s'obtient que par la pratique. La première connaissance, celle qui s'obtient par la lecture ou par l'écoute d'enseignement, est une connaissance qui se perd très facilement. Voyez les personnes qui lisent beaucoup, ils ont peut-être lu une centaine, voire un millier de livres, qu'en ont-ils retenu? Pas grand-chose. Il faut savoir que la mémoire, le cerveau, ce n'est pas la même chose que l'esprit, la mémoire, donc, le cerveau, a ses limites. On ne peut pas le comparer avec un ordinateur, par exemple. Le disque dur d'un ordinateur est capable de garder en mémoire énormément d'informations. Ce n'est pas le cas de la mémoire humaine, du cerveau humain. Il est limité par rapport à ce disque dur. Et si les êtres humains oublient facilement, c'est à cause d'un manque d'attention, un manque de concentration. Leur esprit n'est pas stable. Et c'est pour cela qu'ils oublient facilement, qu'ils ne réussissent pas à retenir. Ici, nous essayons de contrôler notre esprit en le maintenant fixé sur les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen. Voyez par vous-même ce qui se passe. Pendant combien de temps êtes-vous capable de maintenir votre esprit sur l'abdomen ? Quelques minutes peut-être, mais pas beaucoup plus. Après ces quelques minutes, l'esprit va se mettre à penser. Ces pensées vont parfois durer longtemps, on ne s'en rend pas compte immédiatement. Et tout ceci va amener de l'agitation dans l'esprit qui va devenir incontrôlée. Si nous ne réagissons pas, nous perdons notre temps. Si donc nous oublions facilement, c'est parce qu'il y a une faiblesse du point de l'attention. Notre énergie mentale n'est pas encore affirmée. Nous devons donc nous entraîner. Plus nous réussissons à maintenir notre esprit sur l'objet, les mouvements de l'abdomen, plus cette énergie mentale va se développer. L'énergie mentale, c'est la concentration, l'attention et l'effort. Nous devons donc nous entraîner à la concentration, à l'attention et à l'effort. Nous allons alors développer la confiance, confiance en nous. Nous nous sentirons capables de le faire. Et cette confiance en soi va elle-même amener la claire compréhension. Nous comprendrons en profondeur. L'esprit, alors, fonctionne normalement. C'est le rôle de l'esprit. Tout ceci ne peut s'obtenir que par la pratique. Parfois, on se souvient de quelque chose qui s'est passé parce que cette expérience était très forte. Elle peut être positive, elle peut être négative, cela n'a pas d'importance, mais on s'en souvient parce qu'elle était très forte. On peut parler là d'une connaissance expérimentale. C'est le genre de choses qu'on n'oubliera pas facilement. Lorsqu'on pratique Vipassana, on s'entraîne donc à développer cette forme de connaissance, la connaissance expérimentale, celle qui ne se perd pas facilement. Nous essayons de comprendre en quoi consiste la vie. Nous observons attentivement tout ce qui se passe en nous. Plus nous nous entraînons, plus la souffrance va diminuer, car la souffrance s'enracine toujours dans le fait que l'esprit est pollué par les impuretés mentales, comme le désir, l'aversion, la colère, la jalousie, l'orgueil, etc. Tout cela pollue notre esprit. Mais si nous entraînons notre esprit, il va devenir pur, et un esprit pur amène la paix, le calme, la tranquillité, le bonheur, la libération. Donc nous devons nous efforcer de comprendre en détail. Cette compréhension que nous essayons de développer n'a rien à voir avec les connaissances livresques, avec les connaissances qu'on acquiert par l'écoute d'enseignements. Ce type de connaissance, qui nous vient d'ailleurs, ne nous appartient pas. C'est une connaissance de seconde main. Elle va amener toutes sortes de réflexions, d'analyses, de critiques. Elle n'est pas fiable. Par contre, la connaissance expérimentale qu'on obtient par la pratique est une connaissance de haut niveau. Elle est solide, elle est ferme et durable. Ici, nous observons sans interruption tout ce qui se passe en nous à chaque instant. Nous notons, nous comprenons en détail. Nous étudions la vie. Les scientifiques étudient également les phénomènes de la vie, mais ils les étudient à l'extérieur d'eux-mêmes, alors que le méditant observe et étudie ces choses telles qu'elles se manifestent à l'intérieur de lui. Nous observons les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen, et chaque fois, à chaque instant, notre esprit en prend conscience, se focalise sur ces mouvements, sans discontinuer. Il arrive à établir son attention sur ses mouvements. L'esprit va devenir concentré, fixé sur l'objet. C'est la concentration. S'il n'y a pas esprit, il n'y a pas non plus mouvement. Nous observons le mouvement et nous comprenons comment tout cela se passe. Nous observons la réalité, nous observons les choses telles qu'elles sont réellement. Ceci, c'est Vipassana. Avant l'enseignement du Bouddha, il y avait l'hindouisme en Inde. Mais dans cette religion, on ne réussissait pas à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. On ne comprenait pas l'interaction entre le corps et l'esprit. Cette méconnaissance de l'interaction entre le corps et l'esprit a amené les hindouistes à croire qu'il y avait là, à l'intérieur de soi, une âme, une entité permanente. C'est une vue fausse. Ces personnes croient donc que cette âme qui serait à l'intérieur d'eux, c'est l'esprit, que cette âme est créée par un dieu et qu'elle réside à l'intérieur du corps. Tout cela, ce sont donc des mauvaises interprétations de la réalité. Le Bouddha, quant à lui, a découvert l'interaction entre le corps et l'esprit. Il s'est demandé par exemple pourquoi un cadavre ne bouge pas, comment fonctionne l'esprit. Il a étudié toutes ces choses et a réussi à voir leur fonctionnement réel. Il s'est mis alors à enseigner, il a proposé aux autres la méthode qui allait leur permettre à eux également de comprendre et d'expérimenter. Cette méthode, c'est le Dhamma. Tous les matins, nous récitons les qualités du Bouddha, du Dhamma et de la Sangha. Pour ce qui est des qualités du Dhamma, l'enseignement du Bouddha, la première qualité, c'est qu'elle est Svakato. Svakato veut dire que le Dhamma est bien exposé. La deuxième qualité, c'est Sanditiko, ce qui veut dire qu'il faut acquérir le Dhamma par sa propre expérience. Et que l'expérience que l'on obtient par soi-même, par l'observation attentive, va amener des résultats, c'est évident. La troisième qualité, c'est Akaliko, ce qui veut dire que le Dhamma va amener des résultats à n'importe quel moment. Il faut être, nous essayons d'être toujours attentifs à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous notons tout ce qui se passe dans le corps et dans l'esprit. Et à chaque instant, il est possible que nous comprenions que le Dhamma se manifeste. Le Dhamma est également dit Eipassiko, ce qui veut dire viens et vois par toi-même. Nous pouvons encourager nos amis à venir pratiquer comme nous le faisons. Et nous sommes certains que s'ils s'entraînent à l'attention et à la concentration, ils comprendront. Le Dhamma est quelque chose qui est toujours correct, qui est toujours là. Un petit peu comme si on vous disait que le feu est chaud. Vous pouvez demander à quelqu'un de l'expérimenter par lui-même, vous êtes certain du résultat. Il va ressentir le feu comme chaud. Le Dhamma, c'est la même chose. Si on l'expérimente, on expérimentera la réalité. Le Dhamma est également dit Opaneko, ce qui veut dire qu'il va amener des connaissances qui ne disparaîtront jamais. Nous allons emmener ces connaissances, ces expériences avec nous au-delà de la mort et elles vont nous accompagner tout au long de notre errance jusqu'à l'atteinte de l'étape finale. On appelle cela des perfections, des paramis. Et enfin, le Dhamma est dit Paccatam Veditabo, ce qui veut dire que la personne qui a réussi à développer ce type de connaissance est une personne sage et que la sagesse amène de très grands bénéfices dans la vie. Donc, ces six qualités du Dhamma, nous ne pouvons les introduire en nous que par la pratique, par l'expérience. Ce n'est pas possible de les introduire en soi par l'écoute d'enseignement ou par la lecture. Ce type de connaissance, la connaissance expérimentale, est très ferme, très durable, elle ne disparaît pas. Nous devons donc faire un effort pour développer ce type de connaissance. Nous devons observer notre propre corps et notre propre esprit, observer toutes nos sensations et faire ainsi surgir la connaissance, l'expérimentation, la claire compréhension. Cette claire compréhension va élever notre vie. Nous pourrons l'appliquer dans notre vie de tous les jours et toutes les tensions, les dépressions vont s'atténuer progressivement et nous pourrons vivre heureux et en paix. La pratique de vipassana amène de très grands bénéfices. Efforcez-vous donc de développer votre compréhension, ne perdez pas votre temps. Puissiez-vous tous être capables de progresser dans la méditation, de développer ces qualités de l'esprit et la connaissance. The time up. I wish you all, may you all be able to progress your meditation, to reach the quality, the good qualities of the mind, to accumulate the more experienced knowledge. Sadhu, sadhu, sadhu.